Zoï zoï, ça ne veut rien dire. Zoï zoï, ça m'amuse et ça me fait rire. De dire et redire, qu'est-ce que c'est? Zoï zoï, même dans la rue à la chant, qui part en souriant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je répète, zoï zoï, ça met de la joie dans ma tête et le cœur en fête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Zoï zoï, viens m'embrasser, zoï zoï, et dans tes bras je vais brûler. De mille baisers, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Zoï zoï. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Zoï zoï. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?